Nanga, Batango Nabango, Fakotanga, Nzambo Yanga, Azamonene, Azali Kolo, Azamo Santu, Abiki Sanga, Alibi Sanga, il a changé ma vie. Ceux qui me connaissaient l'autre temps, lorsqu'ils me regardent, ils se disent qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Oh, je témoigne que c'est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Lorsqu'il entre dans ta vie, les choses ne sont plus jamais les mêmes. Tu ne ressembleras plus à celui ou celle que tu étais hier. Yes, Wango, Akoti, Makam, Wango. Maladeza, Kolongwanzo, Tonayo. Di susu oza kotatola yonde obota kite okobota di susu balabaki okobalate tala misona yo likolo esika yawe asalie yawe oyo abongolaka mayi na vino nakokisa yo na nani nakokana na yo na nani yawe lokola yo asali te oyo aza na maladi atatola komo na yesu akobike sebaba ebabobose yese a la place de la maladie dit le nom de jésus à la place d'infertilité dit le nom de jésus celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms c'est lui que nous proclamons en ces instants nous disons qu'il est là. Il est là, il est là. Na pesa yo li bonza, tembo na koyembe ko uta na motema na ngaye. Yeso yo, yeso yo. Yebos, yebos, yebos, yebos. Can you sing with me a greater, greater?